27 octobre. Lecture pour la mémoire de Ziyad Bena et Bouna Traoré. Et pour qu'on n'oublie pas. Voici une retranscription d'une interview de Adel Bena, le frère de Ziyad. La France est devenue un cauchemar. « 27 octobre 2005, Clichy-sous-Bois, Ziyad Bena, 17 ans, et Bouna Traoré, 15 ans, meurent électrocutés après une course-poursuite avec la police. Le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, prétend alors que les enfants sont des voleurs. À tort. Les amis des adolescents, leurs voisins, la jeunesse des quartiers populaires ripostent par des émeutes qui, comme une traînée de poudre solidaire, se propage à des centaines de villes partout en France. Les images de voitures enflammées, d'abribus couchés, de CRS en faction et de jeunes encapuchonnés font le tour du monde. La France apparaît comme un pays en guerre civile. Le gouvernement décrète l'état d'urgence. Plus de 6000 personnes sont interpellées, 30 communes instaurent un couvre-feu. 10 ans après, que reste-t-il de ces affrontements? La justice a relaxé les policiers. Des personnes ont été, par leur fonction, leur histoire ou le hasard, touchées au plus près. Adel Bena, frère de Ziyad, se souvient. Il touille son café à n'en plus finir, gratte et regratte les bords de sa tasse. Dans sa tête aussi, il remue le drame, ressasse les détails, mais rien n'y fait. C'est comme si j'étais pris dans une machine infernale. J'essaye d'oublier, et c'est toujours pire. Un fantôme s'est installé sur le visage d'Adel Bena. À 39 ans, il a les mêmes yeux marrons, les mêmes ponettes saillantes et la même bouche dessinée au crayon que son petit frère. Adèle se souvient de leur dernier échange. C'était à Clichy, juste avant le ramadan. Je le mettais en garde, je lui disais de rester dans le droit chemin. Ziyad était arrivé 4 ans plus tôt en France. Il avait fait de gros efforts, parlait bien le français. Le 27 octobre 2005, il est parti jouer au foot avec Bouna. Sur le retour, leur chemin a croisé celui de la police. Ziyad et Bouna ont fini électrocutés. Aujourd'hui, je comprends la colère des émeutiers. Clichy-sous-Bois s'est embrasé. Adèle entend encore les sirènes, les survols d'hélicoptères, les cris. Lui qui avait quitté son petit village tunisien du bord de mer depuis 1 an pour rejoindre sa femme enceinte. Je ne connaissais rien, ni les médias, ni les politiques, ni la justice. Dévasté et dépassé, il s'est retrouvé à sillonner les rues avec ses parents pour appeler au calme. On protégeait la France, mais aujourd'hui, je comprends la colère des émeutiers. Ils ont pris des risques pour défendre la mémoire de nos frères. Les parents Bena ne demandaient rien que de se retrancher dans leur deuil, répétant « La France nous a donné beaucoup, mais elle nous a pris notre fils. » Adèle leur répondait que non. Il s'agissait d'un policier, peut-être d'eux, mais pas d'un pays. Il a secoué son père, sa mère. Je leur ai dit qu'il fallait se battre pour connaître la vérité. Ces enfants sont morts pour rien. Une jeunesse que l'État maltraite. Les familles se sont donc engagées dans 10 années de lutte pour un résultat au printemps dernier qui a été le coup fatal. les policiers poursuivis pour non-assistance à personne en danger ont été relaxés. Et les familles, jugées irrecevables à se constituer partie civile, comme si Ziyad et Bouna n'étaient pas des victimes. La France est devenue un cauchemar. L'islamophobie et le racisme ne font qu'enfler. Nous pouvons nous résoudre à la mort de Ziyad car nous croyons au destin, mais l'injustice qui persiste, c'est sa mémoire qu'on salit. Adèle Béna dit que la société française se met en péril. C'est toute une jeunesse que l'État maltraite. Ma femme, née en France et d'origine tunisienne, s'est sentie rejetée. Le couple a scolarisé ses deux filles en Tunisie. Il n'est plus en France que pour travailler et rembourser le crédit de la maison achetée en 2013, en attendant qu'elle soit vendue. Le jour du jugement, Adèle et sa femme ont décidé que c'était fini. Ils quittent la France. Voilà, c'était une interview parue en octobre 2015 sur le site Temps Réel du Nouvel Obs et qu'on retrouve sur le blog à toutes les victimes.samizdat.net dans la catégorie 973, la série d'articles consacrés à la mort de Ziyad et Bouna.